Tu téléphones à qui ? À Juliette. Je lui dis de venir nous rejoindre ici pour pique-niquer. Je lui laisse un message pour lui expliquer où on est. D'accord. Mais les enfants ont faim. Je leur donne à manger ? Oui, on leur donne un sandwich et nous, on attend Juliette.